maison, enlevé les meubles du salon. Elle a roulé le beau tapis et d'un air mignon nous a dit: ce soir c'est ma boum, c'est ma folie, c'est ma toute première big party. Oh les parents, oh les parents, soyez gentils, ne rentrez pas, ne rentrez pas avant minuit. C'est ma toute première big party, c'est ma toute première. Choisissez qui vous voulez. En bas. lui le pas. Et que sera, sera. C'est promis, c'est promis, c'est promis. Pas de jalousie, pas de jalousie, pas de mots malheureux. Les amis sont mes amis, les amis. Ce soir on danse collé, collé. Mets tes mains sur mes hanches, collé, collé. On va faire connaissance, collé, collé, collé, collé. Eh, eh, eh, eh, eh. J'ai tenté ta chance, collé, collé. En suivant la cadence, collé, collé. C'est si bon quand on danse, collé, collé, collé, collé. Eh, eh, eh, eh, eh. On peut danser à deux, collé, collé. Danser à trois, collé, collé. Ou à la queue le le. Collé, collé, collé, collé. Eh, eh, eh, eh, eh. Oh, hey. Allez, allez, allez. Que Paris est grand quand tu cherches la fille qui t'a quitté. Paris, Paris. Que Paris est grand quand tu cherches l'amour de ta vie qui s'est enfui. Paris. Que Paris est grand quand tu cherches la fille qui t'a quitté cette nuit. Paris, Paris. Que Paris est grand quand tu cherches l'amour de ta vie qui s'est enfui. Paris. Saint-Germain. Je t'ai cherché partout. Quartier latin. Reviens, reviens, reviens. Tu me rends fou. Champs-Élysées. Je t'ai cherché partout. Place Clichy. Reviens, reviens, reviens. Je ne suis plus jaloux. Plus jaloux, plus jaloux, plus jaloux. Plus jaloux, plus jaloux. À minuit, quand le